Encore une fois, je le fais. Encore une fois, je le fais. Encore une fois, je le fais. C'est si souvent pareil. Ranger, déranger, bouger dans le canapé pour encore se laisser aller. Tous les jours, c'est pareil, c'est des joies et des peines. Oh, oh, oh, et tous les jours, c'est pareil, tous les jours, c'est les mêmes. C'est long et puis ça devient court, courir dans ses rêves pour oublier les coups. Oh, oh, oh, oh. C'est si souvent bon quand ça bouge, si souvent bon quand ça groove. C'est si souvent bon quand ça bouge, c'est si souvent pareil. Ranger, déranger, bouger dans le canapé pour encore se laisser aller. C'est pareil, j'ai des joies et des peines. Oh, ouais, tous les jours c'est pareil, tous les jours c'est les mêmes. C'est dur et puis ça devient doux, doucement, c'est pour ne pas être fou. Oh, ouais. Tous les jours c'est pareil, j'ai des joies et des peines. Oh, ouais, tous les jours c'est pareil, tous les jours c'est les mêmes. C'est long et puis ça devient court, courir dans ses rêves pour oublier les coups. Bon quand ça bouge, si souvent bon quand ça groove. C'est si souvent bon quand ça bouge, c'est si souvent pareil. Ranger, déranger, bouger dans le canapé pour encore se laisser aller. C'est si souvent pareil. C'est pareil, c'est des joies et des peines. Oh, ouais, tous les jours c'est pareil, tous les jours c'est les mêmes. C'est long et puis ça devient court, courir dans ses rêves pour oublier les coups. Oh, ouais, oh, tous les jours, tous les jours c'est pareil, c'est des joies et des peines. Oh, ouais, tous les jours c'est pareil, tous les jours c'est les mêmes. C'est dur et puis ça devient doux, doucement on sait pour ne pas être fou. Oh, ouais. Oh, tous les jours c'est la vie, son corps. Tous les jours, tous les jours, tous les jours c'est la vie, son corps. Tous les jours.